Après la création, Dieu propose aux hommes, à plusieurs reprises, de faire alliance avec lui. Dieu fait alliance, veut dire qu'il invite chaque personne à vivre en sa présence et à entrer dans son amour. Au début de la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu fait alliance avec Adam, le premier homme. Avec sa femme, Ève, ils vivent dans le jardin du paradis en harmonie avec la nature. Un jour, ils écoutent la voix du serpent. « Si vous mangez du fruit de l'arbre défendu, vous deviendrez comme Dieu. » En écoutant le tentateur, ils abîment l'alliance nouée avec Dieu. C'est le premier péché. Plus rien n'est comme avant. Du temps de Noé, les hommes se prennent eux aussi pour Dieu et l'oublient. C'est le déluge. Seul Noé, un homme juste, sa famille et des animaux sont sauvés. Dieu envoie le signe de sa nouvelle alliance, un arc-en-ciel. À chaque époque, Dieu renouvelle son alliance avec des hommes choisis parmi son peuple, les Hébreux. Il offre à Abraham et aux familles qui sont avec lui un pays. Il marche longtemps pour atteindre cette terre promise. Plus tard, les Hébreux sont esclaves en Égypte. Dieu choisit Moïse pour les libérer et les conduire en terre promise. Ils franchissent la mer Rouge, errent dans le désert pendant 40 ans. Mais le peuple oublie Dieu. Alors Dieu demande à Moïse de grimper sur une haute montagne, le mont Sinaï. Là, il lui donne 10 commandements, 10 paroles de vie pour vivre avec lui. Depuis des siècles, les croyants essaient de vivre ses commandements et de continuer l'alliance. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer l'autre comme soi-même, partager, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, rester fidèle à une promesse, respecter ses parents. Ce n'est pas toujours facile, mais ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'on peut toujours revenir vers lui.